seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial monstre marin. Spécial monstre marin toute la semaine entre 20h et 21h. Hier soir, c'était une soirée spéciale fille. Ce soir, on va finir avec une grande partie du label Monstre Marin avec les Marine Monsters qui sont là et Yann Slow du Nine Magic. Et Monsieur l'Algérino. Bonsoir à tous. L'Algérino et ainsi que peut-être Yann Slow ont fêté hier soir tard. Mais tu connais, t'es obligé. Hier soir, quelle était l'ambiance hier soir? Barbès, c'était chaud. on était ensemble dans le même bar. Ah, c'était chaud. Dédicace à mes momos. Dédicace. Bon, tout va bien, c'est parti là. C'est quoi? C'est en route pour la finale là? En route pour la finale, direct. Tu connais, on n'a pas peur. Direct. Bon, les Allemands, il se passe quelque chose. Est-ce que tu as senti ce quelque chose? Il se passe quelque chose. Et là, j'ai pas dormi de la nuit, donc je peux dire qu'il se passe quelque chose. Ouais. Bien sûr. On va essayer de foudroyer la Mannschaft. Ouais, là, c'est la Mannschaft. Écoute, tout est possible. Hein, ouais, bien pourquoi sûr, pas tout est possible. Attends, c'est du football. Il y a une revanche à prendre. Exactement. Statistiquement, on n'a jamais perdu contre eux. Pour les plus anciens. Ils nous l'ont fait à l'envers en 86, en 82, c'est quoi? 82, ils nous l'ont fait à l'envers. Ils sont arrangés avec les Autrichiens. On va se venger. Belgique, ouais, tu départages qui toi? Tu es allemand? Belgique. Ou tu es belge? L'Algérie. Qu'est-ce qui se passe si l'Algérie gagne la Coupe du Monde? Si l'Algérie gagne la Coupe du Monde? Je crois que c'est la fin du monde. C'est le déluge. C'est la fin. Bon, ben on suivra ça lundi avec le match de la France aussi en France. Oui, bien sûr. Et on rappelle que si la France et l'Algérie passent, ils vont se rencontrer. Donc il y aura. Ça fera une belle affiche. Ça. Une finale avant l'heure. J'aimerais bien, moi. Ouais. Écoute, on croise les doigts. Un beau derby. Et on suivra ça dès lundi. Entre 18h et à 22h le match, ce sera chez Difool et chez Emric. Entre 18h et 20h et 22h minuit chez Difool. Yes. Là, on est parti pour la dernière de la Monster Party. Oui, yes. Le 30 juin dans les bacs, ne l'oubliez pas, allez le chercher ça à moins approche. De 8 euros. À moins de 8 euros toute cette semaine. Hier soir, tiens-moi, il y avait le match, mais vous n'avez pas le droit de venir parce que c'était une soirée fille. Ouais, hier, on nous a dit, ouais, fallait venir parce que c'était les filles. On était en train de se préparer psychologiquement pour le match. Déjà, je ne veux pas balancer, mais il y a un des monstres marins qui a tenté quand même une percée hier qui est venu en fin d'émission. Ah ouais? Qui ça? Qui est-ce? À mon avis, son blaze. Un clone. C'est X. Un clone. Peut-être qu'il a envoyé un clone à lui. Non, il m'a dit que c'était le vrai. Il m'a dit là, parce qu'il n'a pas parlé hier. Il dit, moi je suis le vrai là. Il est sensible alors, le vrai. Il est venu voir les filles, il est venu voir Vita Amalia qui font partie du label Monstre Marin. Exactement. Et qui était là hier soir. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, petit replay de l'émission, ça donnait ça hier soir. Et là ce soir, c'est Spécial Fille, le label Monstre Marin à l'honneur toute la semaine. Vita et Amalia qui sont les deux signatures féminines pour l'instant du label. C'est ça. Bienvenue mesdemoiselles, comment ça va? Ah, ça va super. Prêt? On est prêt. Sur le dance floor, c'est un exemple un peu d'un morceau, on va dire pop, urban, club, que j'osais pas faire avant. Et Muggy me dit souvent, mais vas-y, tu peux tout faire et tout, tu te cantonnes trop dans un truc R&B alors que t'es capable de faire des trucs plus larges. Et j'ai osé en fait. Jusqu'au père de le nord. Elle veut prier, prier. Elle veut prier sur le dance floor. Elle veut prier, prier. Jusqu'au père de le nord. Elle veut prier, prier. C'est pour oublier sur le dance floor. Elle veut prier, prier. Jusqu'au père de le nord. Elle veut prier, prier. Elle veut prier sur le dance floor. Prier, prier. Jusqu'au père de le nord. Voilà, c'était hier soir. Est-ce que vous êtes fiers des filles du label, messieurs? Ça fredonnait sur le dance floor. Le dance floor. Exactement. Avec Vita et Amalia. Et là, on va fredonner, mais d'une autre façon. Ce soir, entre 20 et 21. On va fredonner sur du hardcore. Après le dance floor, ce sera sur du hardcore. D'autres personnalités du label doivent passer. Est-ce que vous avez plus d'infos que moi? On attend X. Voilà, on attend X, là, et normalement, avoir le master. Ouais, voilà. Le master sera là ce soir, normalement. Si normalement, je sais pas s'il est bloqué ou s'il est où là, mais il y a le master qui doit arriver normalement. Bon bah restez bien à l'écoute entre 20 et 21 et on débute avec le morceau pour commencer. Yes, Marine Monster, d'abord. C'est parti sur Skyrock. C'est parti sur Skyrock. Un Monster Party. Ouais, ouais, ouais. N'oubliez pas. Blé 1. Maguarano du Nine. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe. Ah, chez Mignot. Et à l'heure où je te parle. Blé. Vous racontez ma life en commençant par faire du sol. Muggy Wallano du Nine. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de Kaiser. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre délire. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire. Grosse grosse dédicace à Maliki de Melun, incarcéré à Fleury, Détroit. On arrive en balle. J'arrive en balle, c'est all time. Vas-y taille frère, 9ème zone, que des gars de sale, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout braille, oui, ça va le faire. J'ai la technique, ma body nique ton boyfriend. C'est la street, là où y'a pas de compère. Là où ça casse la coque et des flingues dans des packs en paire. C'est un hold up, oui, vous êtes mort depuis. Entre marin, corporation, aka Black Panther. Hello sister, que des cas aussi. Salut. Je suis mort dans le film comme un déclin entouré de ses chars. Faut qu'on se casse, trop vif, tu constates. Gang slow, make you wanna know, but I can't stop. Make you wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. Mon gars désertique, Julien Amok, Serre. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know du night. Barak, je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. On est ensemble, Choukri, les gars du McDo. Je suis peut-être dans un autre pays. Même zone family. En commençant par faire du salalalala. Make you wanna know, young slow, du na na na na na. On va commencer par faire du sale. Hey yo miss, I'm sorry, c'est ton cœur, je l'ai déjà zébré. Tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais sous-tise. On rivalise, vous dévalise. Pendant que me dit, gère le biche. BG vendu au West Indies, Marine Monster. Et tellement, tellement clair. Aucune terre. Laisse-nous faire. Ce morceau, c'est juste la l'air. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Spécial dédicace à mon gars H de guerre. Vous allez vous chier dessus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'ai pas le genre de mec, on est au bar. J'ai pas besoin de voir. Laissez-y dire. Tazik, l'inspire. Viens me dire un skate Vortex net. Il veut pas. Make you wanna know. Ouais, Drancy Nord, c'est comment? Je n'ai pas changé. One Light. Je n'ai juste Albert, Brice. Football Club de Toulouse. Les trois kickers, on est ensemble. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Pricey, 2-3. Aïe. Make you wanna know. Y'a l'arrivée depuis, je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, Man, am I so good? Dans un autre pays, je vais vous raconter ma life en commençant par faire du salalalala. Make you what I know, y'en slow du na na na na na. Je vais commencer par faire du salalalala. Make you what I know, y'en slow du na na na na na. On va commencer par faire un monster party. Le 30 juin dans les bacs. Faire du sale. Le 30 juin on va dans les bacs. Par faire du sale. Muggy, DJ Last. Muggy, what I know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Dédicace à mon gars Gore la terreur. Peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Ose One Tête 4 arrive. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Geeks la calache. Aïe Bandito. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Les yeah. Marine Monsters, ils sont là ce soir entre 20 et 21. L'Algérino est là aussi. J'ai yeah. vu aussi une autre. Comment dire, une autre signature du label. Une autre signature. Monsieur X Gangs, j'appelle Monsieur X Gangs à la barre. Quel numéro, est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est le faux, est-ce que c'est un clone, est-ce que c'est. Un clone de la famille, un clone. Putain. Hier soir, j'ai raconté que tu es passé. Enfin, le vrai X Gangs est passé. Effectivement, le vrai est passé hier soir. Puisqu'il n'a pas parlé. C'est le clone 213. Eh ouais, mon ami. Si. Là, c'est le clone lui-même. On vient représenter, on vient faire du sale. Le vrai m'a envoyé ici pour. Pour représenter les monstres marins. Bon, les monstres marins, c'est lundi dans les bacs. La Monster Party. Ok. À pas louper. Avec tous les artistes signés sur le label. Et je suis en famille ici avec tous mes gars sûrs. Mm-hmm. Au propre, au calme. Et on est là et on va faire le taf qu'il faut faire. Bon, l'Algérino est là. Les yes. Marine Monsters sont là aussi. Yes. On est tous là et je vois que tout va bien. Il y a le sourire. Fred, si tu veux bien, j'aimerais lancer un hashtag sur Twitter. Eh ben, allons-y. C'est parti pour le hashtag Monster Party Disque d'Or. C'est parti. À vous. À il vous, est chaud. Lui, il a... en fait, ah ouais. Là, c'est quoi? C'est il est encore sous l'effet de l'Algérie. Hier. C'est ça, en fait. Là, il est encore très euphorique. Monster c'est bien. Party. Il est pas encore endormi. Là. Donc Monster Paris, Monster Party, disque d'or. Disque c'est d'or. Twittos. On compte sur vous. Allez-y, vous balancez tout ça avec le hashtag et on va voir si ça peut grimper. Et puis on verra aussi dès lundi, puisque c'est dans les bacs, on peut le précommander aussi maintenant. Allez-y, allez cliquer si vous voulez récupérer sur iTunes. Monster Party, on va écouter un autre morceau peut-être de cet album qui sort lundi. Yes. Bien sûr, c'est parti pour. J'ai envie de m'écouter du X Gang. Ah, du X Gang. Le Je Maîtrise, un autre. Prenez la fuite. Prenez la fuite. Exactement. Prenez la fuite. Ça me va bien celui-là. N'allez pas trop loin. Ça me va bien. N'allez pas trop loin. Et bah ça vous le retrouvez aussi dès lundi dans les bacs. Monster Party avec X Gangs. X Gangs, mon nom est rouge. Yes. C'est bon. Allez. Je crois qu'il y a un problème sur le clonage. Du mal à caler le morceau. Allez, prenez la fuite, c'est parti. Ok, X-Gangs. One of my soldiers. MMC. X-Gangs. No COVID. Ok. One of my soldiers. Ok. Check ça, yo. Check ça, yo. Comme une tornade, je viens tout ravager sur mon passage, yo. Comme un guerrier, je gère mes blèmes. Tant comme une pute, tu donnes tes œufs et t'oses raconter des histoires mytho, tu niques les keufs. Kimura, je vous finirai tous avec un Kimura. J'ai la dote qui flégo comme Dead Zone dans Akira. Ma haine est lourde, putain, je bouffe du fer. Trop dura, sans son ton dans ce couplet, c'est ça le mon peura. Bien sûr, Ah, mais bien sûr, tu sentais monter des mots. Fini tes œufs à pipo. Toi et ton équipe mytho, me la mettra One X Gangs. C'est ça, mytho. C'est la dèche, manque de monnaie cash. Okay. Tu le sais, pauvre tâche. Okay. Soit t'es vrai ou pas. Okay. What? Des ski app, gère ta, le da. Uh-huh. T'as le seum, on le voyait. Soit t'es bon ou brave. Hey! Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Oh, prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. Vous m'avez négligé, pas dit que je vous le pardonne. Paris c'est l'Afrique, pire les Français sont devenus des touristes. C'est pas moi qui l'ai dit, viens faire un tour dans la capitale. Tes yeux vers l'envers du déco, crime, sexe, drogue, alcool. A gogo. Tu pratiques carabou, les gens me disent putain c'est du salsa. C'est pas de ma faute, j'ai pas faire du soupir à gourd du salsa. Je kiffe comme personne, car ce flow je l'écris seul entre quatre murs. Raison pour laquelle vous le kiffez pour l'écouter, vous êtes pressé. J'ai vu des dollars servir de cobaye pour les scientifiques. Comme des choristes faire arracher les dons, les os pour les boumaras. On vit dans un monde où le succès n'est pas donné à tout le monde. Les premiers resteront premiers, les derniers se feront victimes. Mon refrain te donne des ailes à planer comme la boisson Red Bull. T'as les boules, quand t'entends ma voix, ça donne la chair de poule. Ne soyez pas choqués si mon flow passe du coq à l'âne. Ah ouais, solo, j'ai formé une équipe des mots. Mon combi va limiter sa dominée. Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. À ce qu'il paraît, tu débites, espèce d'enculé. Viens faire un tour chez les MMC. Tu vas te faire effacer, déclassé, entassé, tracassé. Tu diras assez. Comme un cap en train de palper à la recherche de tes papiers. Des amis, soi-disant master qui veulent te Kenny. Depuis tout petit, vous vous êtes promis de ne jamais être ennemi. Pour du bis, ton poteau de la mise. C'est la vie. Moi, over me. Je te nique ta mère comme un coupe de bras dans Blue Diamond. J'ai pas changé depuis le succès des Mugiwarano. Ça met des frappes, des clics je vis, parano. Demande à mon gars sur de Fast and Furious Toronto. Fini le son, fais tard, c'est le son qui va te mettre des tétards. Tétards, faites pas les malins, je vais sortir mon pétard. Fais pas le magicien, c'est moi qui manie les deux gars. Fais pas le magicien, c'est moi qui manie les deux gars. Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Wow. Prenez la fuite. Gilas. Gilas. La voix de l'ange. Le maître du R&B, plus fort que lui tu le. A Monster Party, n'oubliez pas le 30 juin dans les bacs. Allez le chercher. Vous en reviendrez pas. Prêt. Ben la la la la. Prenez la fuite, c'est extrait de la Monster Party avec X-Gangs. Yes. Tiens, si on parle un petit peu d'avenir, X-Gang, qu'est-ce qui se passe pour toi et tes clones dans les jours, dans les semaines à venir? En ce moment, moi et mes clones, on bosse très très dur, on prépare du sale, du lourd. Il y a tiens, un gros projet qui se prépare. Prends bien le micro. Ce clone a un peu de mal avec le micro en fait. Ouais. Il n'a pas été entraîné, celui-ci. Il va falloir revoir deux trois trucs dans le mécanisme. Je crois. On va régler son compte à préparer les autres. Donc là... mes autres mois. Donc là, le boulot. Là, on bosse dur en ce moment. On prépare du sale pour un projet très lourd qui se prépare. Là, je prépare mon projet solo qui arrive, qui va pas tarder à arriver. Et c'est du sale. C'est voilà, du sale. On fait kiffer seulement. Franchement, on se croise souvent en studio et. Monster Party qui fait ça. Mais ce qui arrive derrière tout ça, mon solo qui se prépare, tout ça, du très très sale aussi. Prenez la fuite, exactement. Du le sale. Bien sûr, je voulais dire qu'on se croise souvent en studio et on écoute des fois des sons, mais. Des trucs de ouf. X-Gang, c'est un maître en la matière. Des techniques. Laisse tomber. Interdites. Ça y est, l'Algérino, il a tout repris. Là. Ça y est, il est piégé. Comme on dit, il est piégé dans Sharingan. Là. Il est dans le vortex. Là. Là, ouais, je vois l'Algérino. Il est inspiré, là. Frère. L'Algérino qui bosse aussi, lui, sur son projet, là. Ah ouais, Aigle Royal, moi, je l'attends, moi. Aigle Royal qui arrive à la rentrée, Inch'Allah. Aigle Royal. On pourra suivre. Ça va être quand le prochain extrait ou alors le extrait, premier lundi, extrait peut-être. Lundi 18h. Lundi 18h. Et d'ailleurs il est dans la Monster Party. Dans la Monster Party, c'est le titre Gamberge qu'on s'écoutera tout à l'heure, je pense. Bon, on va l'écouter là, après la pub. Allez, ça marche. Yes. C'est un morceau, ouais, c'est un morceau particulier, on l'a dit quand on l'a présenté, c'était mercredi, je crois. Ouais, je disais donc moi j'ai tourné le clip, Big Up à Red Out Black, mais pour des raisons personnelles, je vais pas le sortir tout de suite. Je vais attendre un peu, voilà, par rapport un peu à ce qui se passe sur Marseille. Ouais, les événements marseillais. Et après je pense qu'il y aura le clip qui va venir, mais c'est un titre à écouter, c'est un titre important. Bon, Gamberge, c'est un morceau qui a été produit, tu nous par, disais alors c'est Spike Miller qui m'a présenté excuse-moi, attends, j'ai toutes les infos là, bouge pas, hop, tac. C'est ça les monstres marins, Jace, tout est là, tout est produit par Jace et Curtis. Donc c'est un morceau original où il y a composé de deux parties avec il y a deux instrus différentes, c'est Jace et Curtis, c'est l'équipe de Spike Miller, voilà. Et ben on pourra le découvrir dans un instant, on va le balancer. Et donc le clip arrive, enfin non, pas le clip arrive, mais le son arrive. Le son arrive lundi à 18h, soyez connectés. Et voilà, puis sinon sur la Monster Party. Exactement, il est sur l'album aussi Monster Party. Volume 1. En parlant du label Monstre Marin, hier on a reçu les deux signatures féminines du label. Petite question donc très simple, qui sont les deux signatures du label? Vous envoyez un message avec les noms des deux signatures 41759, vous repartez habillé avec la casquette Vortex, la casquette Vortex qui va faire fureur tout cet été. C'est la casquette partisan du Vortex. Qu'il faudra avoir cet été. Vous repartez aussi avec la Monster Party dédicacée. Allez-y, 41759. Le hashtag Monster Party sur Skyrock. Et puis un autre hashtag qui a été lancé. Ouais, par Yann Slow. Exactement, Monster Party Disque d'or. Non, voilà, c'est le hashtag Monstre Marin sur Skyrock. Et en effet, le hashtag. Vas-y, redis-le. Monster Party Disque d'or. Je le dis plus calmement, plus sereinement cette fois-ci. Je ne rigole pas. Prenez-le au sérieux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura du live avec certains d'entre vous? Ouais, on live, sympa, grosse surprise. Grosse surprise de Marine Monster là ce soir. Si vous êtes sage. Allez, on va balancer un truc vraiment énorme, Fred, là, juste après. Très bien. On va balancer un live. Voilà. Bon, bah ça arrive. Juste avant, il y aura aussi le morceau de la J. Gamberge, ouais. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Comme toi, monstre marin a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Vis par les armes, meurs par les armes. Vis dans le haram, périra dans les flammes. Yeah, c'est l'Algier Gamberge sur Skyrock. Aïe, bré. Tu tires un rail avant de le fumer. Yeah. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Yeah. Galec, tu es un homme, galec, tu es un vrai. Yeah. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à brûler. La vie est dure, c'est sûr. Y'a ceux qui se lèvent le cul, toi tu vends de la pure. T'enlèves des vies, t'enlèves des âmes. Oh. Tu crois plus en Dieu, tu crois qu'en ton âme. Paranoïaque, dépressif, crie sur la daronne, addict à la coque, faut ta dose, faut que tu sniffes. Un grand ami, une gifle, il t'a haggard. Tu veux lui faire la peau, ce fils de bâtard. Zarma, tu es un fou, tu as des choses à prouver. Attends-toi à tout, la rue va t'éprouver. Ça commence par le guet, ça finit par donner des go. Pour récupérer un terrain, tu fumes ton amigo. Comme si de rien n'était, tu assistes à son enterrement. Tu pleures avec sa mère, tu mélanges les sentiments. La prochaine qui va pleurer, c'est la tienne. Attends-toi à un lourd châtiment. Tu tires un rail avant de le fumer. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Gueule, tu es un homme, gueule, tu es un vrai. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à brûler. Brûler. Gueule, tu es un homme, gueule, tu es un vrai. Brûler, brûler, brûler. Tu flirtes avec le diable, tu vois pas. Majorino. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, ma. Message pour toute la jeunesse de France, l'Alger, aïe. Y'a plus de rahma dans les quartiers. La drogue tue dans les quartiers. Le shaitan nous a bernés. Plus d'échappatoire, on est cerné. Plus d'amour dans mon quartier. La haine pousse dans ton quartier. Même ton ami d'enfance peut devenir ton ennemi juré. Yuma, yuma. Prie pour tes fils qui sont égarés. Yuma, yuma. Même les anges ont fini par se barrer. On n'a rien à y gagner. On emporte rien avec nos sous-terres. À quoi bon sœur d'être le plus riche du cimetière. Marseille c'est le drame, Marseille c'est des larmes. La prison ou la mort, les corps calcinés. Mère en larmes, on sait plus à qui parler. Parano, je commence à méfier. Chaque jour sans savoir, je fais la bise à des meurtriers. Gamberge sur Skyrock, aïe. Voilà ce morceau qui s'appelle Gamberge à l'instant, l'Algérino. Yes. Avec deux instrus dans le morceau justement. Deux instrus dans le morceau. Et je te disais, artistiquement je le trouvais intéressant. Mais c'est surtout le message qui est important pour les jeunes des quartiers. Tu vois ce qui se passe en ce moment à Marseille, c'est très difficile. Ça risque peut-être même, on sait jamais, de se contaminer dans toute la France. Il faut vraiment faire attention, nous les rappeurs, à ce qu'on raconte dans nos chansons, parce que encore plus maintenant, t'as l'impression. Oui, oui. Encore plus que. Moi, je dis que les rappeurs, ils sont pour beaucoup des fois dans la montée dans la violence dans les quartiers, parce que les petits, ils ont pas le recul de. Tu vois, regarde, moi je vais regarder le film de Scarface. Mmh. Je vais kiffer, mais je comprends que la fin, elle est. Tu vois, le mec, il a tout perdu, il est mort à la fin, il a rien emporté avec lui, il était dans le mal toute sa vie, il a rien gagné. Quoi. Bah, c'est souvent ce qu'on oublie dans Scarface, c'est qu'à la fin, c'est une fin de loose, quoi, quand même. Là, on voit que Elvira, les boîtes, ouais. La drogue, ici et là, mais on voit pas vraiment, vraiment, vraiment la fin. Donc ça, c'est important. Et les petits dans les quartiers, les jeunes, quand ils écoutent la musique, ils prennent tout au premier degré. C'est-à-dire que le rappeur, même si il raconte pas forcément ce qu'il vit lui-même dans sa tête, le petit, c'est ce qui, je sais pas comment t'expliquer, c'est complexe, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte. Bah après, c'est vrai que on peut dire ça même pour les jeux vidéo, pour les films, pour la musique, c'est vrai que. Bien sûr, mais le rap plus que les films, parce que. Je t'ai dit, ça fait partie de nous, les jeunes de quartier, on a grandi avec du rap. Donc quand un rappeur qu'on kiffe, il nous dit des choses, c'est limite parfois parole d'évangile, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est important. Et même des fois, quand j'écoute certains rappeurs, ça m'écœure. Surtout quand c'est des adultes et qui font ça parce que ça fait vendre, limite c'est de la prostitution. Je sais pas, même une prostituée, j'ai plus de respect pour elle va vendre son corps, le rappeur il va vendre de la mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est voilà. Et Gamberge, c'est un titre que j'ai fait écouter ça à un ami qui s'appelle Abdallah Binali de mon quartier, de la Savine, EDA. Et ils avaient déjà un concept qui s'appelait aussi Gamberge. Et le truc, c'est nous, dans notre quartier à la Savine, on n'attend pas d'avoir des subventions, d'associations ou quoi pour faire des trucs. La dernière fois, on a fait un gros barbecue. C'est nous, les grands du quartier, qu'on a organisé ça. Piscine, barbecue, on s'est régalé. Et voilà. Et Abdallah et EDA vont faire des t-shirts justement pour faire plusieurs opérations comme ça dans le quartier. Bon, en même temps, donc, c'est aussi un discours que tu tiens depuis plusieurs années dans les morceaux. Moi, je me souviens du morceau que tu avais fait. C'était Dérapage contrôlé. Ouais, c'était Dérapage contrôlé. Sur l'ancien album. Mais disons que j'ai eu une certaine éducation, j'ai grandi dans un quartier, mais je connais les vraies valeurs et les vrais principes, et j'essaye de pas me perdre dans ma musique. tu vois. Quand c'est un jeune qui fait un morceau où ça incite à la haine, quand c'est un petit qui a 20 ans, on va dire c'est pas grave parce qu'il est dans le, on va dire il est dans la fleur de l'âge. Mais quand c'est un, quand c'est un adulte qui a des enfants et qui est là, qui rappe tout et n'importe quoi, voilà, tu vois, je peux pas cautionner. Donc ouais, faut faire attention à ce qu'on raconte. On est vraiment vraiment responsable. D'où le morceau Gamberge à l'instant sur Skyrock. Les monstres marins sont là entre 20 et 21. Révolté ce soir là. Magnifique. Ah mais à un moment donné, bah, après, tu vois, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui m'amuse beaucoup même dans mes chansons. Bien sûr. Mais des fois je reviens à des choses. Surtout en plus, c'est vrai que toi t'es directement, je dirais, concerné parce qu'à Marseille ces derniers temps, on peut pas non plus constamment fermer les yeux sur ce qui se passe à Marseille. C'est vrai qu'il y a des jeunes, il y a des familles derrière tout ça qui pleurent, des mamans, des. Nous on perd des amis, on perd des frères tous les jours. Tout le monde se connaît à Marseille. On a grandi ensemble et quand on entend des trucs, vraiment, vraiment, ça fait mal au cœur. Après, c'est pour ça que je dis, ce qui est important, c'est l'éducation des jeunes qui arrivent. Tu vois ce que je veux te dire ? Eux, c'est important de les raisonner, de parler avec eux, de les éduquer. Nos enfants qui arrivent aussi, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans la vie. L'argent, c'est pas tout. Il y a d'autres choses plus importantes. La famille, les amis, on peut passer de bons moments, même si je viens de te dire, même si on est pauvre, on peut passer de bons moments. Donc, il ne faut pas en faire une fixation de devenir riche à tout prix, voler, braquer, dealer. Voilà, moi, je dis les choses franchement. Bah surtout, ouais, c'était bien aussi le parallèle avec Scarface de rappeler que la fin est. Exactement. Tony Montana, il finit dans un cercueil riche et il n'a rien emporté avec lui. Comme je dis dans le morceau, à quoi bon sert d'être le plus riche du cimetière? Exactement. Bon, ouais, l'Algérino avec nous. Ouais, il a bien parlé. X-Gangs, content du discours là, d'Alger. Franchement, là, je fais appel à mon clone psychologue. Le clone d'ici. Non, l'Alger a bien parlé. C'est tout à fait correct ce qu'il dit. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Exactement. Faut pas tout mélanger. Exactement. C'est qu'on mélange tout, là, on fait n'importe quoi. C'est dans les quartiers. Comme je dis toujours, t'as beau avoir des millions, si la santé ne suit pas, ça sert à rien. Donne-moi tes millions. Parce que moi, la santé, elle est là. C'est ce que je veux dire. Ouais. Tu vois. Et surtout, c'est très important. Tu vois, c'est des vérités de la vie. Faites un don à X-Gangs. Parce que lui, a la santé. Hashtag. Merci. C'est pour ça que je remercie Dieu tous les jours. Tous les jours. Et il faut faire attention quand vous écoutez ou vous regardez des films ou quand vous jouez à des jeux vidéo. Bah après, il faut aussi savoir prendre du recul. Voilà. Des choses, toujours. Mais ça. C'est très important. Après, je comprends aussi ton discours d'Algérino, mais je pense que c'est aussi lié. Voilà, je pense que. Il y a aussi une certaine éducation à avoir. Si en effet tu passes tes journées sur des jeux vidéo violents, sur des films violents, si en effet la musique en plus en bande son. Ça, je te dis, il y a une responsabilité des grands frères. Voilà, il y a une responsabilité parentale aussi qu'on peut pas nier. L'éducation, c'est important, c'est la clé de la réussite. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pour ça que moi, je vois, tu vois, nous, nos parents, ils nous ont inculqué des valeurs et des principes. Mmh. On essaye de. Après, bon, ils ont eu des difficultés. Bon, mon père, il était 15 heures au chantier tous les jours. Mais voilà, il a essayé de nous donner des vrais trucs. Et dans les quartiers, les gens, ils ont du cœur. C'est pas vrai. Il y a pas mauvais, il y a pas que du mauvais dans le quartier, mais après quand il y a des un contexte économique, quand il y a la drogue, l'argent qui arrive, ça fausse tout et ça contamine nos frères, nos petits frères, nos grands frères. Donc faut faire attention, c'est important. L'avenir, ça se joue à rien. Je dis ça aux petits parce que c'est tu vois, va à l'école, arrête de ça sert à rien, tout le haram, ça sert à rien. Il faut se régler dans sa vie. La vie, elle est simple. Il suffit de travailler, de se donner à fond, de respecter les gens, de respecter les autres. C'est comme ça que tu avances. De s'ouvrir l'esprit, c'est important de s'éduquer. L'école, c'est très très important. Et j'ai envie de te dire, n'écoute pas tous ces trous du cul de rappeurs mais à un moment donné, il faut le dire, voilà, qui rappent la haine et qui incitent à la haine. C'est des grosses merdes. Voilà. Je suis pas un clasheur, mais à un moment donné, quand il s'agit de choses sensibles, non, il faut le dire. En plus, voilà. Je te demanderai pas de nom. Voilà, non, mais voilà, on va pas faire de publicité. Non, c'est bon. Parce que on va se dire vraiment les choses. Les choses commerciales maintenant, c'est la haine, la drogue, le cul et le crime dans les chansons. C'est ça les choses commerciales. Quand tu me parles de calibre, t'es pas hardcore, mon poteau, t'es de la merde. Voilà. L'Algérino a parlé. Je pense qu'on peut applaudir l'Alger à l'instant. Bravo. Bravo l'Alger, bravo. Pour ses paroles remplies de sagesse. Non, c'est le. Excusez-moi. Mais je comprends en même temps. Parce qu'en plus, voilà, c'est vrai. Il faut dire ce qui est vrai. C'est vrai que Marseille est durement touché ces dernières années. Et donné, il y a des gens qui meurent tous les jours. Et c'est beaucoup. Faire l'apologie du crime, de la Kalachnikov, de la drogue. Et c'est beaucoup de jeunes qui tombent à Marseille. Je voyais la dernière fois un documentaire où t'as les mamans qui racontent. Qu'ils ont perdu des fils, des neveux, des enfants qui ont à peine la vingtaine, voilà, qui se font tirer dessus, et encore parfois pour les plus vieux d'ailleurs, qui n'ont même pas la vingtaine. Donc voilà, c'est bien aussi de temps en temps d'avoir cette parole et de rappeler certaines choses que tu faisais à l'instant. Merci l'Algérino. Tiens, merci, en parlant de ça aussi, il y a Vita qui vous fait un bisou. Elle est sur la route, elle vous écoute. J'ai reçu un petit message. Donc voilà, Vita, elle est en votre compagnie aussi, les monstres marins ce soir à l'antenne. On l'avait hier soir, puisque Vita fait partie avec Amalia des deux signatures féminines du label. C'était aussi pour répondre à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Allô Yanis, F2L de Sartrouville, ça va bien Yanis? Ça va quoi? Et toi? Hello. En forme? Ça va tranquillement, on est là. Eh ben écoute, bienvenue. Salut, bienvenue à toi. Tu viens rapper dans l'émission? C'est ça comme d'hab. Hein. Allez, session freestyle par téléphone, on t'écoute. C'est parti. Ok. Sartrouville. Beson. Montecito. Ok. Check. YKNIS. C'est parti. Brah. Yeah. Ok. Yeah. Yeah. Yeah. T'as la carotte fils de pute, on te la rentre. Tu veux du bullshit ici, on te l'arrange. Tu vas sur ma salle, on prend en bas ta langue. Tu voulais percer mais t'as pas talent. Ok, je rappe très vite, mais je rappe terrible. J'ai de la guette à meuf, ça fait ma John Terry. J'ai fait la musique comme une bactérie. Eh, MP la simule, c'est du bactérie. Moi qui baisse la vitre, tout back. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est tout pas le même dans les zones arides. Moi je suis tout back, gros début sur la vitre. Toi t'es tout nazi, grec, N.I.S. C'est le place, mec. Pas par religion, si tu blasphèmes. Faire un vite avec toi, la flemme. Si tu sais pas quoi dire, la ferme. On est quitte. Dans ce cas-là, on s'évite. Dans chez Gabbana, Italie. Quand je t'appelle, t'es pas là, maintenant fais ta vie. Jamais d'origine, des aides. T'es nulle part, on t'entend plus. Tomber des paumés, t'es zère. Et t'es fier de toi, fils de pute. Si t'as pas l'oseille, tu perds pas. Quand tu vends tes disques, y'a baisse. Bar, négro, j'assassine quand je débarque. Des mal accélère avant le débarque. Des débarques, que de la cocaïne. Ouais, sur mon bureau, j'percute tous les MC passants. Faire du rap sale, c'est mon boulot. Yanis, F2L de Sartrouville à l'instant en freestyle. Merci à toi, Yanis. Merci, yeah, c'était merci, lourd. Vas-y, on t'écoute. Big up. Vas-y, bon, c'est pour Saphir, du stop, ne t'inquiète pas. Ryan, Brian, Qatari, big up à Salem, Mouche, Hérouf de la Cité des Indes, Garbi, Wahil, gros big up au Montecito, Tom, Samir, Sarah, Pulco Fraise, ça va du Montecito, c'est Beson, Sartrouville, et c'est lourd. Eh ben, merci à toi, Yanis F2L, à l'instant en freestyle dans Planète Rap. 20h-21h. Est-ce qu'on attaque maintenant les Marine Monsters ou pas? On attaque tout de suite. Ou est-ce que vous voulez mettre peut-être un morceau avant de la Monster Party? Ouais, un petit morceau avant. Bah alors, racontons ce qui va se passer dans quelques minutes quand même. Alors, faisons un petit teaser, un petit teasing de ce que. Un petit teaser. Bon, là, ce qui va se passer. Ouais. C'est qu'on va balancer un freestyle, tu vois. Mm-hmm. Qui sera sûrement dans le premier extrait de notre projet. Exactement, de l'album de Marine Monster qui sortira. Un exclu total. Mais là, attention, l'Alger qui est spécialiste là-dessus, je pense qu'on peut même faire encore monter plus la mayonnaise. Okay. Parce que là, ils ont lancé ça comme ça. On va faire un truc, on sait pas trop. Ça, ils ont l'air sûr d'eux. En même temps, ils sont sereins, j'aime bien. Attendez, moi, je vais vous le faire le teasing. Dans un instant, ne bougez pas. Yes. Gros exclu. Marine Monster vont balancer, vont même interpréter en live. Yes. Ce qui risque d'être le premier extrait officiel de l'album de Marine Monster. Marine Monster. Est-ce qu'il a un nom? Pas maintenant, t'inquiète pas, tranquillement. Suivez-nous sur les réseaux, vous serez incessamment sous peu. Bon, bah ne bougez pas, c'est dans un instant, juste avant, qu'est-ce qu'on met de. Petit, ça va aller, mais je l'aime bien ce titre. À moins que vous voulez mettre autre chose, je sais pas, les mecs. Ça va aller. Tout va bien se passer. Ouais. Ça va aller. Allez, l'Algérino, c'est ça parti. Va aller. La Monster Party lundi dans les bacs. Algérino. Monster Party lundi dans les bacs, la famille, on soutient. Aïe. Nouveau millénaire, l'époque est folle. Dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur, donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite, ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à foutre du monde, flaqué, me noter. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande, oh, oh, oh. J'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, oh, oh. Je me sens pas beau, je me sens dépassé. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. J'taillais les courges, découpais des plaques. J'traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas chez moi, je vois l'écran qui bicrave. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite, rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête à tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande oh, Algérie, non. J'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande oh, je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du tiex, moi. J'ai trop été collé au banc de la thèse. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande oh, oh, oh, oui. Je me demande, oh, oh, oh, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. Aïe, on est sur Skyrock, mon ami. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, X-Gang est dans la place. Monstre marin. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Marine Monster. Aïe. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Brrr. Grosse dédicace à mon frérot talentueux Calif Hardcore. Grosse dédicace à Sosomanes. Aïe. Ça va aller, c'est extrait de la Monster Party dans les bacs lundi, le 30 juin, sortie de la Monster Party. Le hashtag Monster Party Disque d'Or, allez-y, faites péter. C'était lancé par l'instant Ian Slow. Ian Slow du Nine avec nous. Est-ce qu'on le fait maintenant alors ce morceau qui risque d'être le premier extrait de Marine Monster? Moi je dis c'est parti hein. C'est parti. Allez. Les Marine Monster sont prêts? Sans pression. Oui. DJ les shows. Préparez-vous donc attention, ça c'est un morceau inédit hein. Exactement. Yes. Il est pas sur Monster Party, il est dans rien du tout. Dans les pharmacies tu pourras le trouver. En exclu sur Skyrock. Sur ordonnance. Exclu sur Skyrock. Sur ordonnance. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Marine Monster. Ça va chier. Ayant grandi dans un cercle vicieux, je suis le meilleur mais ça reste officieux. Je me cache au mur de monsieur l'officier. Caractère de monstre, j'en oublie pas les cieux. Et c'est vrai que c'est navrant. Oui monsieur l'agent. Qui peut me tester en France? Et t'entends, j'attends ça depuis le temps. Me cherche pas, je vais casser des verres sur ta face, bouteille de belvédère. Mettons pour un test salivaire. Voilà comment passer un salivaire. Toute ma vie dédicacée, féris. C'est la devise avant que j'atterrisse. Flow phase millimétré, faut que je te finisse. Maintenant faut qu'en plus je veux le flou, salibéry. Je kick depuis mon plus jeune âge. Je suis désolé pour vous mais rien de matrice, moi aussi je me devais de prendre du bif. Je ne me forçais pas. Monstre marin, plutôt faut bien démarrer. Ça commence à me faire marrer. Putain de rat de marée, y'a même putain d'autres marrants. Petit rentre chez tes parents. Je navigue le game sur un catamaran. Et du jack. Ouais, c'est chiant. 5-6 verres. Tu prends pour Jackie Chan. Elles sont toutes. Des Kardashian. Mais dans la tête. Même pas le Kardashian. Yeah. 9, 3, 7, 5, Ray, c'est pas Dallas. Montre-le pas si t'as un gros balance. Le petit rêve du million dollars. Wow, wow. On t'allume ta race comme les balances. Compare pas, inédit les galas. On se fait inégal à wow, wow. Donc 9, 7, 5, Ray, c'est pas Dallas. Montre-le pas si t'as un gros balance. Le petit rêve du million dollars. Wow. On t'allume ta race comme les balances. Compare pas, inédit les galas. Marine Monster, les inégal à Gun, slow. Yann, hey, slow, Yann, Rossi, slow, no, Yann, slow, hey. Salam, shalom, tu peux disposer. Double MC dans le game, on est venu se poser. Foutez-moi la paix, j'ai pas très envie de causer. Ne vois-tu pas que les fonds marins sont en train d'exploser? Marine Monster, on va vous arroser. Paraît-il que pour un premier, j'ai posé d'oser. Oui, c'est dosé, névrosé, t'es dosé. Tu peux t'aiguer la tête, t'es taille de rosé. Ne m'approche pas comme si je faisais le carême. Tu peux garder tes mots, tous tes bisous, tes carrés. Foutez-moi depuis tout à l'heure, on dirait bien que t'as l'air. Savoir le valider. C'est Yann Slow, 9ème zone pour la guerre. J'suis paré. Si j'pétale, ton gars va, mon vieux arbre, c'est paré. Le tort, c'est parle fort comme si t'étais carré. J'vais te déco, tu m'écoutes dans son rêve, j'suis carré. C'est Yann Slow, 9ème zone pour la guerre, j'suis paré. Si j'pétale, ton gars va, vaut mieux pas séparer. Bombe le tort, c'est parle fort comme si t'étais taré. J'vais te déco, tu me décodes dans Skyrock. 9-3-7-5 Ray, c'est pas Dallas. Pas si t'as un gros palace. Le petit rêve du million Dallas. Wouah, wouah. Ton bagu ta race comme les balas. Compare pas Zinedine et Galas. Marine Monster les inégales. Wouah, oh, wouah, oh. 9-3-7-5 Ray, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Le petit rêve du million Dallas. Wouah, wouah. On t'allume ta race comme les balas. Compare pas Zinedine et Galas. Marine Monster les inégales. Wouah, hey. Hey, yeah, yeah, yeah, hey, hey, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster, Marine Monster. Ah, ah. 9-3-7-5 Ray, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Le petit rêve du million Dallas. Wow, wow. On t'allume ta race comme les balas. Compare pas Zinedine et Galas. Marine Monster, les inégales. Wow, wow. 9-3-7-5 Ray, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Les petits rêves du million Dallas. Wow, wow. Skyrock, on t'allume ta race comme les balas. Compare pas Zinedine et Galas. Marine Monster, les inégales. Ah. À l'instant, yeah, en live, bré. Marine Monster, okay. Donc avec ce qui risque d'être le premier extra officiel. Ce qui risque d'être le premier extrait de l'album de Marine Monster qui arrive. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque? Allons-y. Les gars, je vous trouve très professionnels, encore une fois. Ça, ça folle pas. Je sais pas si tu as remarqué, ils chantent juste et sans autotune. Ouais, bien sûr, nous, c'est sans autotune. On sait tout faire. On l'a dit, on sait tout. C'est pas du bluff. C'est pas du bluff. Et quand on met de l'autotune, c'est parce qu'on a envie, tu vois, non, pour mais s'amuser. Attends, parce qu'il faut, rectifier les choses. Moi aussi, j'en mets de l'autotune. Lorsque tu mets de l'autotune, moi, quand je mets de l'autotune, c'est pour le swag de, voilà, exactement. De la voix et de l'effet qu'il y a, tu vois. Exactement. C'est moderne, c'est joli, c'est bien. C'est pas parce qu'on chante faux. Attention, ouais, j'ai chanté du rail toute ma vie. Amon. Tiens, en parlant de rail, dimanche, t'es avec nous, hein, dimanche soir. Ouais, obligé. Dans Rail Suprême avec DJ Kaze. Un rail suprême spécial Algérie en Coupe du Monde. Spécial Ramadan. Aussi, donc, C'est vrai que ça a commencé ce week-end. Ben oui, dimanche je crois, d'après le CFCM. Édition Dunia présent. qui a regardé la lune. Apparemment tout le monde est unanime, je crois que c'est dimanche. Attention, c'est moi qui parle, je sais pas, je vais quand même vérifier les sources, mais je crois que c'est dimanche. Bon, c'est pas sûr. On suivra ça. Un petit mot sur le son. Bon, mais X il était dedans, hein. Moi je l'ai vu, il était dedans. Ah non, moi j'ai rien à dire. Les Marine Monster, ils sont loin. C'est des gens qui pratiquent et qui maîtrisent la technique interdite depuis. Moi, comment ils birent maintenant. Moi-même, j'étais là au studio quand j'ai vu quand ils ont abattu un Okage. J'ai vu. Alors, explique-nous le terme Okage. Oui, j'allais te demander. Okage. Ok. Lyrics. Vas-y, dis-lui, tranquille. Vas-y, je laisse le petit frère parler, vas-y frère. Bah, un okaye, en fait, c'est quoi en fait? Un okaye, c'est plus qu'un mètre. Un okaye. Tu vois, c'est plus qu'un mètre. Okay. C'est quand tu contrôles tout un quartier, tout un village. Ok. T'es un mètre, tu vois. T'es plus qu'un mètre, en fait. Et en fait, c'est. Ce lexique, même le président, s'il te plaît, c'est dans Naruto. C'est dans Naruto, tout ça, tu vois. Voilà, c'est dans Naruto. Naruto, il y a des villages, tu vois. J'ai entendu ça. Et dans chaque village, il y a un patron, tu vois. Il y a un boss. Et lui, c'est un okaye, en fait. Voilà. Je me suis arrêté à Dragon Ball Z, moi. Ah ouais, mais t'es un rien, tu vois, tranquille. C'est rien, mais déjà, pour te dire, tu t'es arrêté à DBZ. Ouais. Mais sans t'en rendre compte, tu maîtrises la technique interdite. Oh putain de merde! Sans t'en rendre compte! Et voilà. Tu n'as pas fait exprès. T'es même un okaye déjà. C'est pour ça que l'autre fois, ton son là, changement d'ambiance avec la prod, tout ça et tout. Ok. Tu dis putain, ce mec, comment il fait? Oh putain! Comment il fait, merde? C'est dur. Il l'a fait. Et non, a tout compris. Merci. C'est-à-dire de Marseille là-bas, dans le 13 là-bas. Le mec, il pratiquait déjà la technique. Mais il était où? Mais il était chacun dans son coin. Au calme. Non, fort. Tu es mort. Les Marine Monster, ils sont très loin. Merci, grand refrain. Bravo. Merci. Et bah, merci aussi pour vos messages qui arrivent. Merci pour vos. Ouh, les messages lourds. Je vois des messages de ouf. Lourd le live. Du vrai lourd, vous vendez du rêve, les monstres. On attend l'album avec impatience. C'est lundi. Et puis l'album, ce sera. En 2014, octobre-novembre. Avant de se quitter, on finit avec un dernier son de la Monster Party. Yes, bah, on se met lequel? On va se balancer, on maîtrise. Ah. Deux Okaye, hein, c'est ça? Deux Okaye. Je maîtrise. Fit Maître Gims. Qu'on a attendu quand même toute la semaine, Maître Gims. Exactement. Ouais. Salut, c'est qu'il devait peut-être être bloqué quelque part. J'avais pas vu tout à l'heure, il avait son hologramme là. Oui, il aurait pu nous envoyer son hologramme. Ouais, il aurait pu nous envoyer son hologramme. Mais bon, il nous écoute. C'est pas grave. Il nous donne de la force. Bloqué. On va écouter son son. Yes. C'est comme s'il était avec nous. Non, mais il y avait son hologramme, sauf que sur Internet, on ne peut pas voir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il était, attends, frère. Il était parmi nous. Et ben là, il est parmi nous avec ce morceau pour conclure le Planète Rap. Je maîtrise. Deux au cahier. Maître Gibbs. X-Gang. Moana Maïsoud. Noko. Drancy Nord. À Monster Party. Drancy. Tous les quartiers de Drancy. Ah. 9ème zone. Yes. Je maîtrise, si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Fier, déter. Tu veux me balayer la tour que je devienne poussière. T'accélères un peu, abruti, t'en es tout fier. Get l'expert, laisse-moi gérer, laisse-moi tout faire. Dites aux enfants que nous vivons dans un monde spé où les gros poissons font disparaître les petits comme les MySpace. Tire dans le tas sans toucher d'innocents façon MySpace. Dans 2-3 ans, tu comprendras, petit m'appelleras Mainflame. Fuck l'intérim, je suis un enfant terrible, peut-être un monstre terrible, un petit ball périph. Et je lâche mes dents depuis le bec d'un pélican. Je suis un militant, mi-vampire et militant. Bébé fuck, Venise, mon décalire, mes milans, je déverse. Ma haine, je déboule quasi tous les milans, tu ne vois pas venir. Je fais du sale, je suis fatigant, je suis je suis un putain de rappeur avec la voix d'un le site de Pax Aronti. Je suis un Tchirouki. Unique, en l'occupe, élégant, l'égo qui veut Paris 9. Prototype, fils du Kirk, l'égo. Je maîtrise, motherfucker. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Je charme mon rap comme ces rappeurs qui ratent que du B-Boy X-Gang, ce maître Gims, le sang t'attend des pailles, c'est pas du mytho. Ça s'agit tellement tourné, moi, ma sabo pandanien. S-O-L-G, ADNR, tu peux demander à tous les miens, t'es ma bien. Ça tape des dieux du gata, mais des loin. Ça y est, c'est parti, prenez. Grosse dédicace à mon gars sur Kevlar. Je me bats la bouche, je me fais un truc de ouf que tu poses des questions, des sangs, putain, ce mec est sur le comment. Prêt, mon c'est 2 mètres, cherche pas, j'ai fait pour la mettre. Un peu au plein, t'as doublé des mois, t'as taille d'or. Je maîtrise comme un homme. Y'a la main comme je trime. Y'a la trime. Pour mieux rimer. Pricem. Pricem. Aïe. Mon gars sur Pricem. Hashim Alimbaé. Eliot. Mon harmonie. On te l'avait dit. Déserti. Tata. JDM. Je maîtrise. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Mettre mes boulets nucléaires en plein dans ta sofa. Je baisse mes ennemis sans pitié, la haine mais le seul en moi. Ma violence est non limitée, tout n'a pas tout n'a pas. Trop de temps, ma nature, mon gage de gore, la terre, ouais, je bouffon. Normal, tu verras couler ton sang sur ce son. Trop de style de flow, c'est évident. Optique Mosra, toi, tu fais pas le poids, passe à l'eau. Même soldat est là, bande de rigolos. C'est Paris, petit enfoiré, l'inspiration des endroits. Sorti, les mecs qui t'aiment, les mecs du gabatit dans les orties. Trop de style, sous tes wam, pendant que me torpille. En 2012, tu t'attends pas que me qui fait du hors piste. Moins de 16, poussez-vous, là ça devient. C'est un film Marion en connaissance, le coste v'là dans le vortex. Vortex, laisse à désirer, vous voilà vexé. Comprends ce que tu dis, je vais défléchir, faut que la tombe à Ramsès. Paris sombre, par ici, bienvenue chez les paresseux. Paresseux, juste un tout petit peu, mais jamais pour le son. Je parais sombre, pourtant rien que je brille à chaque apparition. Je suis pas rassuré si t'as un plan pas à toi. Mais qui voit le nom? C'est ton shoot sur la même cible. Ouais, j'remplis les salles, fais du frochis comme au Marcy. Donc on fait toi tout petit, je suis psychologue. À la psy, j'arrive sans premier tout comme un tsunami sur Lansing. Ouais, c'était la Monster Party. Allez, le pêcheur. Le 30 juin dans les bacs. Yeah. Toute cette semaine à 7,99€ sur iTunes. Allez vite le pécho. X-Gangs avec Maître Gims. Je maîtrise à l'instant pour conclure ce Planète Rap. Ça maîtrise la technique interdite. Ça maîtrise la technique. Attention. Merci à vous. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Avec Anissa de Boulogne. Ça va bien, Anissa? Salut, ça va super bien et vous? Bah écoute, on est avec les monstres marins toute la semaine. La semaine qui va se conclure. Anissa, ouais. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Je suis super prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok. Waouh, quelle équipe! Bah, c'est un peu quand même. Anissa, le DVD Pompéi qui arrive à la maison à Boulogne, c'est pour toi, Anissa. Super, merci beaucoup. Et bah, on te fait plein de bisous. Passe un bon week-end, Anissa. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Vacances. Et bon week-end à vous aussi. Ouais, bah, les vacances bientôt, Anissa ou... Bah, pas du tout. Non, pas du tout. Je travaille, donc pas de vacances. Bon, pas de vacances. Bah, bonnes vacances à ceux qui l'ont. Je sais qu'il y avait les dernières épreuves du brevet. Donc, ça y est, les examens sont finis. Maintenant, il va falloir patienter, attendre les résultats. Donc, bonnes vacances à tout le monde. Force à vous. Merci. Et surtout, bon ramadan à tout le monde aussi. Eh oui, exactement. Qui commence ce week-end. Bon ramadan à tous mes frères et sœurs musulmans. Yes. Merci à vous en tout cas les monstres marins pour cette semaine. Merci l'Algérino. Merci pour l'invitation. Dimanche on te retrouve pour le Rail Suprême avec DJ K, X Gangs. À très vite. Toi et tes clones. Plaisir. À très vite. Si tu le veux. Hey, me regarde. Yes. Et les Marine Monsters aussi. Ouais. Ouais, je voulais passer une grosse dédicace à toute la cité Maroc de Creusval. Grosse dédicace à Fiam Soman. C'est un mec vraiment qui croit en moi et tout, qui aime beaucoup ce que je fais. Vive Ainit Mon Gang. Et sur le DZ. Yes, voilà, exactement. N'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas, partisans du Vortex, c'est les soldes chez moi. Ouais, je suis une dédicace à N'oubliez pas, foncez avant qu'il n'y ait une big dédicace à mon gars sur Nokové, Dié. Yes. Patou alias Geza, Geza, Geza, le berger. Yes. On est ensemble, la famille, on est ensemble. Une grosse dédicace aussi à Price M, allez le suivre sur Facebook, c'est un artiste qui est en train de monter. Vraiment, vraiment chaud, chaud, chaud. Le gars est chaud. Le rebeu est chaud. Oh là et ben, on suivra ça. Merci à B-Rise qui est là tous les soirs de la semaine. DJ, allez, c'est le dernier jour. Tout le monde fait des dédicaces. Allez, hop là. Grosse dédicace. Je vous embrasse très fort. Sonia, Alia, Djibril. Mouah. Gros bisous. Je vais faire une grosse dédicace à Abdallah Bin Ali aussi, qui est là, à l'origine du concept Gamberge avec Déa, le soldat. Il est là, la famille. Grosse dédicace, Khalif Arcor, Soussoumanès. Tu le sais, frérot. Grosse dédicace, tous les quartiers nord de Marseille, Marseille, toute la France, tous les quartiers, tous les mecs enfermés. Grosse, grosse, grosse, grosse dédicace, la famille. Je vous aime. Grosse dédicace aussi. Dédicace. Grosse, allez, attends, Lek. Lek. Dédicace à l'Europe. Il y a LECK qui a sorti un mini EP qui s'appelle Noir. On soutient aussi la famille. Voilà, tout le 9-4, on est là. C'est correct. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, l'album de Marine Monster va vraiment, vraiment frapper tout le monde. Disque d'or, Yann Slow, là-bas. Là, c'est disque d'or. T'es bête ou quoi? Disque d'or. Lundi dans les bacs, c'est la Monster Party. Qu'il faut aller pêcher la Monster Party. Et Marine Monster. Et l'album de Marine Monster en fin d'année. En fin d'année, merci à vous tous. Boum! Grosse dédicace à Spike Miller aussi. On va retrouver D-Fool maintenant qui doit être connecté avec toute l'équipe. Eh oui, connecté, on est là. Ouais. Merci pour la semaine. Les monstres marins. Et D-Fool. Semaine monstres marins juste avant les vacances, ça tombe bien. Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, on vous retrouve très très vite. Et puis on vous écoute sur Skyrock évidemment. Puis il y a la nocturne tout à l'heure, Fredo. Bah, pas loupé. Eh ben, pas loupé. Je vais les travailler. Comme il se doit. Tu vas aller travailler sa nocturne, tu auras du monstre marin dans la nocturne. J'ai envie de dire allez les Fennec et allez les Bleus, D-Fool. T'as vu, LG, t'es content? Gros LG, ah oui, magnifique, on est heureux. Là, on va passer un. LG, il est champion du monde déjà. Déjà, ce qu'on a fait, déjà, c'est très très bien. Voilà. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Voilà. Eh bien, et peut-être un quart de finale entre les Bleus et les Fennec. Ce serait magnifique. Les Bleus contre les Fennec, France-Algérie. On suivra ça, chez vous. Ou entre les Nigériens. Et l'Allemagne, comme vous. Oui, aussi, c'est possible aussi. Bon, merci à toi en tout cas, l'Alger. Merci à tout, à tout le monde. Hein. Merci pour cette semaine. Fredo, tout à l'heure, on te retrouve juste après l'émission. Juste après la nuit. À pas louper pour la nocturne. 100% rap France. Grande dédicace à Idriss et Sarou. Et rap français, tiens, justement, on va écouter la crime là tout de suite. Le son de la crime. Et vous tous en direct. Bien. Oui. En direct au 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là, vous pouvez y aller, faites tout péter. Radio libre jusqu'à minuit, c'est parti en direct sur Skyrock. Ciao Fred. Ciao. Salut tout le monde, ciao.